décrocher la lune à celle qui vous importe. C'est toute une technique, tout un art de séduire. C'est un jeu diabolique d'attiser le désir. Pour plaire aux filles, soyez infâmes. Si vous voulez qu'un cœur vacille, faites couler ses larmes. Oubliez ce qu'elles disent sur les princes charmants. Ces dames ne sont soumises que lorsqu'on est blessant. Si elles demandent ça, faites bien le contraire. Elles aspirent au combat, il a fallu s'y faire. Pour qu'elles nous aiment, c'est nos problèmes. Il faut fuir notre naturel en s'efforçant d'être cruel. Pour qu'elles nous aiment, soyez sadique, laissez tomber de votre poche le mouchoir fatidique. Inventez chaque soir des rendez-vous galants, qu'elle soupçonne une histoire dont son cœur est absent. Si elle demande ça, faites bien autrement, pour qu'elle n'obtienne pas ce à quoi elle s'attend. S'attend. Pour qu'elle nous aime, c'est le problème. Forçant d'être cruel, pour qu'elle nous aime, le vrai dilemme, c'est d'être prêt à tout donner en évitant de le montrer. Pour qu'elle nous aime, pour qu'elle nous aime. Si elle demande ça, faites bien le contraire. Elle s'inspire au combat, il a fallu s'y faire, s'y faire, s'y faire. Problème. Il faut fuir notre naturel en s'efforçant d'être cruel. Pour qu'elle nous aime, le vrai dilemme, c'est d'être prêt à tout donner en évitant de le montrer. Pour qu'elle succombe, soyez immonde. Si vous savez les faire souffrir, elle